Il y a moins d'une semaine qu'une autre grenade ait été lancée dans cette même zone. Les habitants de cette localité demandent que la sécurité soit renforcée pour éviter de pareils cas. Alida Ndeikeza, toujours en page sécurité, un certain Charles Hezumugango du quartier Mirango en zone urbaine de Kamenge demande la libération de son épouse et son enfant de 2 ans, les deux de même qu'une autre femme qui les accompagnait pour l'enterrement d'une parenté au Rwanda qui ont été arrêtés le 9 juillet sans franchir la frontière. Charles Hezumugango reconnaît qu'elles n'avaient pas de papier de voyage, faute de moyens financiers, mais aussi parce qu'elles étaient pressées pour ce rendez-vous de funérailles. Suivez Charles Hezumugango au micro de Léonce Vitaliou. Un membre de la famille était mort, alors il allait pour l'enterrement. Mais par contre, il n'est pas arrivé. Elle a été arrêtée où? Elle a été arrêtée à Mubirambi, précisément en province Ngozi. Je ne connais pas la commune. Elle était seule? Non, elle était à deux. Il y a une autre femme qui la conduisait, disant qu'elle va lui montrer le chemin. Elles ont été arrêtées. Elles vous disent qu'elles sont dans quelles conditions aujourd'hui? Les conditions dans lesquelles elles sont, je ne connais pas. Parce que ni les autorités, ni l'OPJ, personne n'est allé les voir. Mais vous reconnaissez tout de même qu'elles étaient parties en clandestinité? Oui, ça je le sais. Parce qu'elles partaient parce qu'il y avait un problème de décès. Deuxièmement, les moyens. Vous voyez la situation que nous vivons. Ne me permettez pas d'attendre pour chercher les papiers, pour y aller dans la voie normale. Et qu'est-ce que vous demandez alors à l'administration ou à ceux qui détiennent votre épouse? Il faut lâcher la femme parce qu'on ne l'accuse de rien. Oui, elle est partie sans papier, mais rien d'autre que ça. Si on ne peut pas continuer le chemin, qu'elle revienne. En plus de cela, mon enfant est malade. Elle ne peut pas aller le faire soigner. Peut-être que même les moyens ne l'autorisent plus. C'est ça que je demande. Qu'on la lâche. Et la radio Isanganiro a finalement appris que les deux femmes sont dans le cachot de la commune Nyamurenza en province Ngozi comme élément qui pèse sur elles. C'est la tentative de franchir illégalement les frontières. Mukoko Edouard, commissaire provincial Ngozi, entend néanmoins les interroger pour voir si elles sont à libérer ou à garder. Toujours en page sécurité, une somme s'élevant à 7 millions de francs burundais a été volée ce lundi par deux bandits à bord d'un véhicule de type Probox. Et ce véhicule empruntait la route Makebuko Ruyigi, précisément à la colline Nyarurambi, en commune Butaganzwa de la province Ruyigi. Les deux hommes présentés par le chauffeur comme des lifteurs ont ordonné à une femme propriétaire du dit véhicule de leur remettre son sac à main qui contenait la dite somme d'argent. Les deux bandits ont par la suite pris le large à bord d'une moto. Le commissaire provincial de la police à Ruyigi qui confirme ces informations fait savoir qu'une des mallettes lâchées par ces bandits a été récupérée, une somme de 2 millions et 100 000 francs burundais a été récupérée, comme je le disais. Le chauffeur du dit véhicule et le motard sont déjà arrêtés pour complicité. Isanganiro. Poursuivons ce journal par la page politique. Les protagonistes dans le conflit burundais devraient se convaincre et s'engager dans le dialogue sans fuyant. C'est ce que propose l'ancien président de la République, Sylvestre Ntibantunganya, à la veille de la journée internationale dédiée à Nelson Mandela. Cet ancien chef d'État estime que la sagesse et le savoir-faire de celui qui a conduit à bon port les négociations d'Arusha en 2000 devraient inspirer l'équipe de la médiation et ceux qui s'engagent dans le dialogue extérieur. Suivez-le, il a été joint au téléphone par Joseph Nsabiabandi. Mandela a bénéficié de l'expérience qu'il avait vécue dans son propre pays et en tant que leader dans la lutte contre l'apartheid. Malgré les 27 ans qu'il avait passé en prison, on sait qu'il n'avait jamais hésité aucun instant à entrer en contact, même de manière clandestine, avec ceux qui dirigeaient le pays alors, pour parler justement du besoin de la paix pour l'Afrique du Sud. Et cela, il a réussi, et c'est ça qui a conduit qu'il a été après libéré et a contribué à libérer à son tour l'Afrique du Sud de l'apartheid. Cela a constitué une expérience pour lui quand il a été nommé pour succéder à Mwalimu Julius Nyerere qui venait de décéder. Et il a utilisé cela. Je me souviens que lors de sa première visite ici à Bujumbura, après sa nomination, il a demandé d'aller directement à la prison de Mbimba pour visiter les prisonniers. Je me souviens qu'à l'époque, après cette visite à la prison, il est venu parler aux députés qui avaient été élus en 1993